بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نواصل قراءتنا في تجريد التوحيد المفيد تجريد التوحيد المفيد سائلين الله جل وعلا الإخلاص في القول والعمل وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى ولا قدره حق قدره من زعم أنه لا يحيي الموتى ولا يبعث من في القبور ليبين لعباده الذي كانوا فيه يختلفون وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين وبالجملة فهذا باب واسع والمقصود أن كل من عبد مع الله غيره فإنما عبد الشيطانا. Donc par la grâce d'Allah, on continue notre lecture sur le livre de l'unicité à l'état pur, en implorant Allah Azza wa Jal la sincérité à travers nos actes et nos propos. Et donc on s'était arrêté dans l'œuvre de l'auteur lorsqu'il dit « Et ils n'ont pas estimé le Créateur à sa juste valeur. » L'auteur continue toujours dans l'explication de la parole et ils n'ont pas estimé le Créateur à sa juste valeur. Et cette explication-là et ces exemples-là qu'il donne, c'est quand l'auteur, ou lorsqu'il a mentionné que les deux causes de l'émergence de doctrines et tendances innovatrices, d'hérésie au sein de la nation ou autre, les deux causes à cela étaient premièrement, il dit, la mauvaise pensée envers le Créateur, et deuxièmement, le fait de ne pas avoir estimé le Créateur à sa juste valeur. Donc il dit, l'apparition des égarements et des innovations, la cause sont deux causes, deux facteurs. Le premier facteur, la mauvaise pensée, le mauvais préjugé envers le Créateur. Et deuxièmement, il dit, le fait de ne pas avoir estimé le Créateur à sa juste valeur. Ça, c'est les deux causes. Et c'est vrai que si vous observez dans l'histoire et vous étudiez les causes et le comment de l'émergence de certaines doctrines, par exemple dans les premiers siècles de l'islam et dans le monde musulman, vous verrez que l'auteur lui-même était historien. Donc l'auteur lui-même était très ancré dans la science de Tarikh, de l'histoire. Et d'ailleurs, il a un livre célèbre qui s'appelle Al-Khutat, dans l'histoire et la chronologie. Et l'auteur donc a un livre célèbre. Et en son temps, même de grands érudits, de son temps, en l'occurrence un de ses grands élèves, il témoigne qu'en son temps et en son époque, il ne connaissait pas un meilleur historien plus ancré dans la science du Tarikh que Sheikh, que l'auteur. Et donc lui-même, spécialiste de cela, il confirme. Et pour cela, il mentionne cela dans son œuvre, que si on observe dans Tarikh les causes de l'émergence et de l'apparition d'égarements ou de tendances ou de doctrines, alors on verra que, on pourra déduire que il y a deux facteurs importants et essentiels. Premièrement, leur égarement est dû à leur mauvaise pensée envers le Créateur. Deuxièmement, le fait qu'il ne l'ait pas estimé à sa juste valeur. Pour cela, il a mentionné des exemples à cela. Et donc, il termine en disant, et ils n'ont pas estimé le créateur à sa juste valeur. Par exemple, celui qui pense que, ou prétend qu'il ne ressuscitera pas les morts. Et donc, ni la résurrection, du fait qu'ils seront ressuscités après que les morts soient enterrés, le jour du grand rassemblement. Et ça, ça fait partie de notre croyance en tant que croyant. Ça fait partie de notre croyance et des bases essentielles de croire et d'affirmer la résurrection. Le fait que les hommes, ensuite, le jour de la rétribution, seront rassemblés. Et Allah va ressusciter tous les hommes. Et Allah nous dit dans son livre, le fait qu'il les a créés une première fois, pour lui, il est plus aisé de leur redonner vie après la mort. Et donc l'auteur fait allusion à cela. Il fait allusion à ce qu'on appelle « al-ba'th wa an-nushur », la résurrection des hommes. Et donc le Créateur ensuite jugera entre les créatures concernant leur divergence. « Al-ladikanu fihi irtalifun » وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَذِبِينَ. Et de cela, de ce fait, ce jour-là, ceux qui réfutaient la résurrection verront que leur prétention était fausse et mensonge. قَالَ وَبِالْجُمْلَةِ. Il dit globalement. فَهَذَا بَابٌ وَاسِعٌ. Il dit globalement en résumé. Ce sujet-là, en réalité, est plus vaste. En réalité, cela est plus vaste. والمقصود أن كل من عبد مع الله غيره فإنما عبد الشيطان. Et dit en réalité, globalement, ce sujet est plus vaste. Donc l'auteur a résumé ici, par rapport au. Parce qu'en réalité, il a repris des paroles de grands imams de la nation, en l'occurrence, ça parle d'Ibn al-Qayyim, rahmatullahi alayh. Et donc il dit globalement, là, le domaine et le sujet est plus vaste, mais. Al-Maqsoud, ce qu'il faut retenir. Regardez ce qu'il va dire. Ce qu'il faut retenir. Anna kulla man abada ma'a Allahi ghayra. Que tout ce qui est adoré avec Allah autre que lui. Regardez, il parle d'adoration avec Allah. Tout ce qui était adoré en dehors du Créateur subhanahu wa ta'ala, donc tous ceux qui ont pris des alliés en dehors d'Allah, des adorés, des idoles avec Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِنَّمَا عَبَدَ شَيْطَانًا. En réalité, ils ont adoré le Satan. En réalité, il dit, ils ont adoré un Shaitan. Comment cela? Et là, de nombreux théologiens musulmans ont expliqué ce passage. Et bil jumla فَهَدَ بَابٌ وَاسِعٌ, comme on l'a dit précédemment, cette parole-là, lorsqu'il dit, et globalement, ce sujet est vaste, ça, vous pouvez vous référer à la parole d'Ibn Qayyim, comme on l'a cité précédemment, dans son livre Zad al-Ma'ad. Donc ce qu'on a évoqué là, l'auteur en réalité a repris, a transmis la parole d'Ibn Qayyim, sans le mentionner, comme on l'a dit dans les assises précédentes, que c'est d'Ibn Qayyim. Mais vous pouvez retrouver cela dans une œuvre du grand imam Ibn Qayyim, dans son livre célèbre Zad al-Ma'ad. Et vous allez retrouver dans le chapitre Fadail Ghazwat al-Ahzab. Si vous voulez retrouver ce passage-là, d'Ibn Qayyim, c'est dans Zad al-Ma'ad, dans le chapitre Fi Fadail Ghazwat al-Ahzab. Li yuraja kalam Ibn Qayyim Fi Zad al-Ma'ad Fi Fadail Ghazwat al-Ahzab. Lorsque l'auteur dit en réalité, lorsque ils adorèrent autre qu'Allah avec Allah, en réalité ils ont adoré Al-Shaytan. فَيُقَالُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَا عَبَدَ أَحَدٌ أَحَدًا مِنْ بَنِي آدَمْ كَائِنًا مَنْ كَانْ إِلَّا وَقَدْ وَقَعَتْ عِبَادَتُهُ لِلشَّيْطَانِ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفِ. Regardez ensuite ce qu'il va dire. وَالْمَقْصُودَ أَنَّ كُلَّ مَنْ عَبَدَ مَعَ اللَّهِ غَيْرَ فَإِنَّمَا عَبَدَ الشَّيْطَانًا قَالَ تَعَالَى أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان فما عبد أحد أحدا من بني آدم كائنا من كان إلا وقد وقعت عبادته للشيطان فيستمتع العابد بالمعبود في حصول غرضه ويستمتع المعبود بالعابد في تعظيمه له وإشراكه مع الله تعالى وذلك غاية رضا الشيطان ولهذا قال جل وعلا ويوم يحشرهم جميعا يا محشر الجن قد استكثرتم من الإنس أي من إغوائهم وضلالهم وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار قال النار مثواكم خالدين فيها. Et l'auteur ensuite, il explique un peu sa parole lorsqu'il dit qu'en réalité c'est Shaitan, Satan qui était adoré. Il cite le verset 60 de la sourate Yassine pour confirmer son dire. Il dit, dans le verset 60 de la sourate Yassine, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans une traduction relative, il dit, « Alam a'had ilaykum ya bani Adam, alla ta'abudu shaytan » Dans le verset 60 de la sourate Yassine, Allah nous dit, n'ai-je pas pris l'engagement, est-ce qu'il n'y a pas un engagement, ô enfant de Adam, de Adam, de ne pas adorer Shaitan. De ne pas adorer Shaitan. Alam a'had ilaykum, ya bani Adam, an la ta'abudu Shaitan. Ne vous ai-je pas fait prendre l'engagement aux enfants d'Adam de ne pas adorer Shaitan? Une traduction approximative et relative et rapprochée du sens. Fama abada ahad. L'auteur dit ensuite, pour cela, il n'y a personne qui a adoré un autre parmi les enfants d'Adam, kainan man kan, qui que ce soit, illa wa qad waqa'at ibadatuhu li Shaitan. Sans que, en réalité, son adoration est tombée, en réalité, s'est effectuée pour Satan, pour Shaitan. Regardez ce qu'il va dire l'auteur. C'est très précis et très subtil. فَيَسْتَمْتِعُ الْعَابِدُ بِالْمَعْبُودِ De ce fait, en réalité, celui qui adore va profiter de son idole, de son adoré. Dans l'obtention de son objectif à lui. Et celui qui adorait l'idole adorée, par contre, elle profite de celui qui l'adore, elle profite de ta'zim, du ta'zim qui lui voue, de sa vénération qui lui voue. Et donc de son polythéisme et son shirk. Ma'allahi azza wa jal. Wa dhalika ghayat. Rida al-Shaytan. Et ça, c'est l'objectif extrême. La volonté du Satan, de Shaytan. Est-ce que là, je vous ai traduit, la parole de l'auteur. Hein. Est-ce que ce passage, vous l'avez compris? Il parle aussi bien de la jouissance, la réjouissance de celui qui adore, et la réjouissance de celui qui est adoré, et de leur profit mutuel, de leur profit mutuel. Et donc, la réjouissance de celui qui adore, son profit, du fait que lui veut l'obtention de son objectif, et il dit, celui, l'idole adorée qui était adorée, en dehors d'Allah Azza wa Jal, lui se réjouit de la vénération qu'on lui voue, en dehors du Créateur Subhanahu wa Ta'ala. Donc ça c'est, je vous traduis littéralement la parole de l'auteur. Walihaza, et vous allez mieux comprendre sur quoi il se base pour dire cela. Regardez dans le verset, il va faire référence au verset 128 de la sourate Al-An'am, les bestiaux. Où Allah Azza wa Jal dit, وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِ قَدْ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ Allah nous dit, le jour du grand rassemblement, Allah Azza wa Jal s'adressera aux djinn, et leur dira, « Ya ma'ashara al-djinn, ô vous les djinns, vous avez certes profité des humains. » Écoutez bien. Allah Azza wa Jal dit, s'adressera aux djinns le jour du rassemblement. Et nous, en tant que croyants dans notre tradition, la tradition musulmane, nous croyons au monde des djinns. Il y a le monde des humains, il y a le monde des djinns. Donc c'est réel. Il y a un monde qu'on nomme le monde des djinns. À savoir que aussi bien les djinns que les êtres humains, ils sont mukallafin. Ils ont cette charge d'adorer le Créateur subhanahu wa ta'ala, comme nous les êtres humains. On a cette charge, aussi bien les djinns, ils ont cette charge. De sorte qu'ils répondront et seront interrogés de ce qu'ils ont fait. Et pour cela, Allah Azza wa Jal nous dit « وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا » Et lorsqu'Allah Azza wa Jal va ressusciter, rassembler tout le monde, il s'adressera aux djinns en leur disant « Vous avez certes profité des humains, des hommes. » Et les commentateurs, ils expliquent dans le sens, comme le Cheikh va l'expliquer ici, dans le sens « Vous avez causé leur perdition, vous avez égaré les humains. » Alors, de là, وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ. Ensuite, diront, des gens parleront et diront, qui ? Les alliés des djinns parmi les humains. Les alliés des djinns parmi les humains, Allah Azza wa Jalla nous dit, leurs alliés parmi les humains diront, ô Seigneur, رَبَّنَا إِسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا. Et des humains, qui étaient alliés des djinns, diront, ô Seigneur, en réalité, nous avons profité chacun les uns des autres. En réalité, nous avons profité chacun des uns les autres, et notre terme est arrivé. Jusqu'à ce que le terme arrive. Une traduction relative est rapprochée du sens du verset. Ensuite, Allah dit, à leur sujet, qu'ils dirent, lorsqu'ils dirent « Rabbana stamta'a ba'duna bi ba'din wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana qala an-naru mathwakum khalidina fiha » Et Allah leur dira « Nar, Jahannam, l'enfer, est votre refuge, comme demeure éternelle. » « Fahadihi isharatun latifatun ila sirr alladhi li ajli kana shirku akbarul kaba'ir » Et là, regardez ce que dit l'auteur ensuite. Ce que dit l'auteur. Il dit, et ça c'est une démonstration, une traduction relative que l'auteur dit. Il dit, c'est une démonstration. Bonne démonstration, pertinente et subtile, sur le mystère et le secret concernant le fait que le shirk wa akbarul kaba'ir, c'est le plus grand des péchés capitaux. Voici le mystère et le secret pour laquelle le shirk est le plus grand péché capitaux. Le croyant, lorsqu'il lit ces passages de cette œuvre-là, il comprend pourquoi maintenant le shirk, c'est la plus grande injustice. La clarification est très claire. Et regardez, certains savants relatent un passage dans le Coran pour faire allusion aussi au fait que tout ce qui était adoré en dehors d'Allah, ceux qui les ont adorés, en réalité, ont adoré Shaitan. En réalité, ont adoré Shaitan. Regardez la position, ce que va dire Shaitan le jour de la résurrection et du jugement. وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Regardez ce que Shaitan va leur dire le jour du jugement. Allah nous dit, lorsque il y aura le jugement, walamma qudiya al-amr, lorsque le jugement sera effectif, Shaitan dira, إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ. Regardez comment Shaitan va s'adresser aux hommes après qu'il y ait le jugement, le jour de la résurrection ou de la rétribution. Il dira, certes, Allah vous a promis la vérité. Sa promesse était véridique, dira Shaitan. Regardez, ce verset-là, il est immense pour le croyant. Pourquoi ? Parce que vous avez la conclusion de tout ça. de cette vie. On peut se poser la question, mais comment ça se terminera, tout ça? Comment le jour de la résurrection, après le jugement, comment tout ça va se terminer? On peut se poser ces questions. Allah Azzawajal nous a informé. La fin, la finalité, comment ça va se terminer? Cette adversité et antagonisme entre Shaitan et l'être humain. Comment va se terminer cette histoire? On peut se poser la question. Puisque dans le Coran, Allah Azzawajal nous dit que le plus grand ennemi de l'homme, c'est le démon. C'est Satan. C'est le plus grand ennemi. Si sur terre, il y a de la corruption, et si sur terre, des êtres humains sèment la corruption et le mal, qui est-ce qui les a poussés à semer la corruption et le mal? C'est Shaitan. Il est à la tête de chaque mot. Lorsque le mal et la corruption se produisent, c'est lui. Et donc, c'est pour ça que les grands théologiens musulmans disent qu'il n'y a pas un mal qui se produit sur terre sans que la cause, à la base, hein, comment ce mal a commencé, la cause c'est un wes-wes. Et certains savants ont écrit sur ce sujet. Ils disent, la cause de toute corruption et tout mal qui se produit sur terre, la base de tout ça, c'est un wes-wes. Les guerres, les tourments, les conflits entre les êtres humains, entre les peuples, ça commence avec un petit wes-wes. Les destructions de familles, de foyers, les guerres conjugales, etc. La destruction de relations humaines entre des amis, entre des proches, tout cela, c'est à la base, ça commence avec un wes-wes, al-wasawis, une insufflation satanique. C'est Shaitan qui a soufflé. Ensuite, il attise. C'est pour cela que lorsqu'il y a un conflit, lorsqu'il y a du désordre, on sait qu'à la tête de tout cela, c'est Shaitan. C'est Satan. Des fois, deux êtres humains se font la guerre et ils n'ont pas compris qu'en réalité, ce n'est pas celui qui est face à lui, son ennemi. Mais son ennemi, c'est Shaitan. Des fois, il y a deux voisins qui se disputent, qui sont dans un litige. En réalité, celui qui les a fait tomber dans ces litiges, c'est Shaitan. Et lorsqu'on comprend cela, c'est pour ça que Allah Azzawajal nous dit, c'est certes votre ennemi évident. C'est lui l'ennemi évident. Et c'est lui depuis les premières générations qui a causé la cause de l'égarement et la perdition des hommes. Et comme il le dit, je ne cesserai de causer leur perdition. Et Allah dit qu'il ne cessera de nous pardonner tant qu'on lui demande le pardon. Subhanallah. Et donc, l'apparition du polythéisme sur terre, ça a commencé avec un wes-wes. Ça, c'est des savants qui le disent. Lorsqu'il y a corruption, c'est un wes-wes. Meurtre, c'est un wes-wes. Guerre, ça commence avec un wes-wes. C'est pour cela que le croyant, lui, il faut justement demander protection d'Allah Azzawajal contre el-wasawis. Pourquoi on demande protection d'Allah Azzawajal contre el-wasawis? Contre les insufflations sataniques. Pourquoi? Parce que les insufflations sataniques, si on commence à l'écouter, ça peut aller loin. Vous comprenez? Et ça, c'est très important. Shaitan ne commence pas à te dire « fais ça ». Commence une insufflation. Il te suggère. Suggestion. Pour ça, c'est souvent traduit par une suggestion satanique. Il te souffle. Hada waswas. Si tu commences à tendre l'oreille, là, commence. Il va attiser. Et donc, l'ennemi évident de l'homme, le plus grand ennemi de l'être humain, c'est Shaitan. Il n'y a pas une guerre qui s'est produite sur Terre. Vous regardez l'histoire des êtres humains, l'histoire des différents peuples. Vous regardez, il y a des millénaires sans que Shaitan, en réalité, il est à la tête du conflit. C'est lui qui a attisé le conflit. C'est lui qui a attisé le fait, qui était la cause, qui a insufflé aux hommes pour qu'ils tombent et sombrent dans des formes de polythéisme. Et donc Shaitan, par la grâce d'Allah, Shaitan, dans le Coran, Allah Azzawajal nous dit qu'il est le plus grand ennemi de l'homme. Il faut s'en méfier. Il faut prendre garde de Shaitan. C'est Shaitan, par exemple, qui veut qu'un couple soit détruit. Il cherche la discorde entre l'homme et son épouse. Il cherche la discorde lorsque, par exemple, il y a partage d'héritage après le décès d'un père de famille ou d'une mère de famille. Et lorsqu'ensuite il y a partage d'héritage, vous avez vu les conflits. Qui est-ce qui sème qui attise, qui veut le conflit pour qu'une famille soit détruite, à la base, ça va commencer avec un SOS. Et c'est pour ça qu'il faut se méfier des ruses de Shaitan. Alors, vous avez vu, dans cette vie, l'être humain, il est dans une constante lutte avec Shaitan, de ne pas l'écouter, de ne pas suivre ses wasawis, de ne pas suivre son chemin, ce qui nous insuffle, les mauvaises pensées. Comment cette histoire va se terminer ? Cet antagonisme entre les êtres humains et Shaitan. Le plus grand ennemi de l'être humain, pourquoi ? Parce que lui, il veut la perdition de l'être humain. Alors, c'est une question légitime. Comment ça va se terminer ? Subhanallah, ce verset est immense, parce qu'Allah Azza wa Jal nous informe, et le croyant, là maintenant, il a la finalité. Comment ça va se terminer ? Cet antagonisme entre Shaitan et l'être humain, regardez. Shaitan, lorsque il y aura le jugement, après que les choses soient jugées, regardez comment ça va se terminer. Il dira à l'homme, certes, la promesse d'Allah était véridique. La promesse de ton Seigneur était véridique. Regardez, inna wa'adallah, inna Allah wa'adakum wa'ad al-haq. Plus littéralement, Allah nous dit au sujet de Shaitan qu'il dira aux hommes, certes, Allah vous a promis la promesse de vérité. Ou une promesse véridique. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Et moi, je vous ai promis et j'ai failli à ma promesse. Traduction relative. Il va l'avouer. Et moi, je vous ai promis, mais moi, je n'ai pas tenu. Et j'ai failli à ma promesse. Et encore plus, il va dire, Allah nous informe à son sujet, qui dira, wa ma kana li alaykum min sultan. Alors que moi, en réalité, je n'avais pas d'autorité sur vous. Et là, il commence à se désavouer. Lui-même, Shaitan, qui veut causer la perdition et qui va causer la perdition d'homme, il va se décharger et se désavouer de cela en disant « Et moi, je n'avais pas d'autorité sur vous, illa anda'autukum fastajabtum li. » Fastajabtum li. Moi, je n'avais pas d'autorité sur vous, sauf que moi, je vous ai appelé et vous avez répondu. Subhanallah. Voilà la finalité. Ceux qui veulent connaître la fin de cette grande histoire, cette grande adversité et antagonisme et animosité entre l'être humain et Shaitan, comment va se terminer ? Shaitan va se désavouer. Il cause la perdition de l'homme, ensuite il se désavoue de lui. Et regardez, ensuite Allah Azza wa Jal, ce qu'il nous dit. Il nous dit qu'ensuite Shaitan, quand il dira, moi je vous ai juste appelé et vous avez répondu à mon appel. Ensuite, il dira, فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ. Ensuite, Shaitan dira, ne commencez pas à me blâmer, mais blâmez-vous plutôt, blâmez vos propres personnes. Vous vous imaginez, il faut s'imaginer le contexte, c'est tragique. Pourquoi ? Imaginez-vous, par exemple, juste, par exemple, sur Terre. Parfois, lorsqu'une personne, par exemple, elle est victime d'une trahison, il se fait trahir. Une personne l'a trahi. Il lui a dit, va à tel endroit, il va à tel endroit, il a été trahi. Il se rend compte que, par exemple, son ami le plus proche, par exemple, il l'a trahi. C'est dur. Mais imaginez-vous, là, l'affaire, elle est tragique, pourquoi ? Parce que Shaitan, au moment où les hommes vont connaître la vérité, et celui qui leur a promis, Shaitan, il leur a promis des choses. Il promet que tu vas avoir une belle vie, si tu le suis, tu vas bien vivre. Tu vas obtenir cette vie d'ici-bas. Il fait plein de promesses. À la fin, il cause la perdition de l'être. Lorsque l'être humain va voir la finalité, puisqu'ensuite c'est éternel, il n'y a plus de retour, on ne peut plus revenir. L'être humain va se rendre compte de la trahison de Shaitan. Et Shaitan ensuite va lui dire, ne commence pas à me blâmer. Fala talumuni wa lumu anfusakum. Ne me blâmez pas. Il t'envoie à la perdition pour l'éternel. C'est lui qui t'a insufflé. Mais qu'est-ce qu'il te dit ? Ne me blâme pas, mais blâme plutôt ta propre personne. En gros, fallait pas me suivre. Alors Allah Azzawajal nous dit, lorsque Shaitan leur dira Fala talumuni wa lumu anfusakum, il dira ensuite Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Qu'est-ce que ça veut dire? Et Shaitan ensuite leur dit Ni moi je peux vous sauver, et ni vous, vous pouvez me sauver. C'est tragique. Et ça, c'est un. Vous avez vu, lorsque les versets, on les lit, relit, on essaye de comprendre, vous avez vu les sens, et vous avez vu le savoir qu'Allah Azzawajal nous enseigne. Et ces informations qu'Allah Azzawajal nous enseigne. C'est pour ça qu'il y a un kitab azim, kitab Allah, le livre d'Allah, c'est un livre immense. Donc là, vous avez, dans certains passages du Coran, en quelques versets, vous avez la finalité. Comment va se terminer cette histoire entre l'être humain et Shaitan? Voilà, Shaitan va se désavouer de l'être humain. Il va s'innocenter. Alors il t'a fait tomber dans un mal. Regardez aujourd'hui. Il y a des gens sous la colère, à un moment de colère. Shaitan a exploité ce moment. Il a attisé la colère de l'homme. L'homme peut commettre l'irréparable. En quelques secondes. Et ensuite, toute sa vie, il regrette cet irréparable. Toute sa vie, il regrette cet irréparable. Et Shaitan ensuite se raille, se moque de lui et se désavoue de lui. C'est pour cela que lorsqu'Allah Azzawajal dans le Coran nous dit que Shaitan, c'est vraiment l'ennemi évident pour l'homme, c'est vraiment l'ennemi évident, c'est de lui qu'il faut se méfier. Et lorsque parfois entre nous, on a des divergences. Lorsque parfois entre nous, on a des litiges, des mésententes, il faut se dire qu'en réalité, ce n'est pas nous qui sommes ennemis les uns les autres. Mais celui qui attise cette animosité, c'est Shaitan. Ça veut dire que beaucoup se voient ennemis les uns les autres. Mais en réalité, ce n'est pas celui avec qui tu as le litige ton vrai ennemi. Mais c'est celui qui vous a mis dans cette situation le vrai ennemi. Et donc, Shaitan. Et donc les deux, en réalité, devraient se retourner contre Shaitan. Et pour se retourner contre lui, il faut s'unir. Et éviter justement la division. C'est pour ça que notre Créateur nous appelle dans son livre à ne pas se diviser. Alors regardez, l'auteur continue. Lorsqu'il dit « فَهَذِهِ إِشَارَةٌ لَطِيفَةٌ إِلَى السِّرِّ الَّذِي لِأَجْلِهِ كَانَ الشِّرْكُ الْأَكْبَرُ الَّذِي لِأَجْلِهِ كَانَ الشِّرْكُ أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى » Observez l'auteur, qu'est-ce qu'il dit. Et donc, tout ce qu'il a mentionné, il dit « وَأَنَّهُ لَا يَغْفِرُهُ بِغَيْرِ التَّوْبَةِ مِنْهُ وَأَنَّهُ مُوجِبٌ لِلْخُلُودِ فِي الْعَذَابِ الْعَظِيمِ » Regardez tout ce que l'auteur va dire, il dit donc tout ça, il dit c'était une démonstration sur le fait, sur le mystère, sur le secret du pourquoi le shirk c'est le plus grand péché. Maintenant, le musulman, le croyant, lorsqu'il prend connaissance de cela, il comprend que le shirk, c'est le plus grand péché. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on prend une idole, adorée en dehors d'Allah, en réalité, on a adoré Shaitan. Qu'Allah nous en préserve. Regardez, la parole est très pertinente lorsqu'il dit « Wal maqsoud anna kulla man abada ma'allahi ghayra fa inna ma abada shaitan. Fa inna ma abada shaitan. » Regardez. « Fa ma abada » أَحَدٌ أَحَدًا مِنْ بَنِي آدَمْ كَائِنًا مَنْ كَانْ إِلَّا وَقَدْ وَقَعَتْ عِبَادَتُهُ لِلشَّيْطَانِ. En réalité, lorsqu'une personne adore une idole adorée, en réalité, son adoration, elle tombe, elle est vouée en réalité pour Shaitan. كَائِنًا مَنْ كَانْ. Les savants expliquent, ils disent, ceux qu'on a adoré, même des anges, ceux qu'on pensait que les anges, il faille les adorer. En réalité, ils adorent Shaitan. Ceux qui sont tombés dans l'adoration de prophètes et messagers. En réalité, ils ont adoré un shaitan. Ceux qui sont tombés dans l'adoration de monuments, d'endroits, ou autres, en réalité, d'astres, ou autres, en réalité, ils ont adoré shaitan. Ensuite, de là, c'est pour ça qu'il dit, maintenant on comprend le mystère pour lequel Allah Azzawajal ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. mais il pardonne en dehors de cela à qui il veut. Sauf que regardez, il dit une parole, l'auteur dit فهذه إشارة لطيفة إلى السر الذي لأجله كان الشرك أكبر الكبائر عند الله عز وجل. Sauf que l'auteur, regardez ce qu'il dit, il dit là on comprend le secret pour lequel le shirk est le plus grand, je vous traduis littéralement, des péchés capitaux. Et le plus grand des péchés capitaux. Ici, on peut se poser une question. Donc, c'est comme si l'auteur considère, sous-entend, que le shirk fait partie de l'kaba'ir. Que le shirk fait partie de l'kaba'ir. Donc, il serait dans l'kaba'ir. Or, on sait que le shirk, c'est plus grave que l'kaba'ir. Même le shirk al-asrar, le petit polythéisme. Par exemple, al-halif, bi-ghayrillah, on sait que c'est plus grand, plus grave que al-kaba'ir, que les péchés capitaux. Regardez, l'auteur ici, on comprend à la lecture que lorsqu'il dit que le shirk est le plus grand des kaba'ir, kaba'ir qu'on traduit de manière relative par les péchés capitaux, donc le shirk fait partie des péchés capitaux. C'est vrai ça? Le shirk fait partie des péchés capitaux? Naam. Mais comment on peut comprendre alors que le petit shirk c'est plus grave que les péchés capitaux? Ajib. Vous savez cette question-là, pourquoi je vous la pose? Moi j'avais pas pensé. Cette question-là, moi j'avais pas pensé. Et il y a un certain moment... Un shirk qui dispense un cours, justement, à un moment, à la fin de l'assise, des élèves, ça se voyait que c'était des élèves d'un certain niveau, puisqu'ils avaient justement posé cette question au shirk. Puisque le shirk, lorsqu'il paraît, c'est un grand savant qui fait partie des descendants, un grand savant contemporain qui fait partie des descendants de l'auteur du livre de l'unicité. Et le shirk, le professeur, lorsqu'il parlait, il a sous-entendu ça, que le shirk est le plus grand des péchés capitaux. Et c'est vrai, à l'écoute de cela, moi la question ne m'était pas venue, j'ai pas pensé à ça, mais des élèves qui avaient un niveau vraiment profond, et qui vraiment, ça se voyait qu'eux écoutaient chaque mot du shirk, vraiment chaque mot, à la fin de l'assise, ils ont posé la question au shirk. Ils ont dit, yeah, shirk, tu as dit telle et telle phrase. Donc, shirk, tu as sous-entendu que le shirk fait partie des péchés capitaux, min al-kaba'ir. Or, shirk, on sait que, par exemple, le petit shirk est plus grave que les péchés capitaux. Fait kayfa shirk al-akbar dakhil fil kaba'ir. Kayfa ya shirk. Ils ont dit comment le grand shirk peut faire partie des péchés capitaux alors que le petit shirk est plus grand et plus grave que les péchés capitaux. Et subhanallah. Alors, moi, à première écoute, j'ai pensé que c'était. Zellat al-lisan, sabq al-lisan, que le shirk il a parlé peut-être il a parlé vite et il a pas fait attention à ce qu'il a dit, mais ça c'est un mauvais soupçon envers al-ulama ou al-mashir. En réalité chaque parole est pesée et chaque parole est maîtrisée. C'est là qu'on voit, c'est un exemple, c'est pour vous donner la maîtrise des grands professeurs, des grands théologiens. Le shirk, lorsqu'ils ont posé la question, pour moi il n'y avait pas d'explication. C'était juste, et pour d'autres aussi, c'était juste une. Le shirk a parlé un peu vite, peut-être s'est pas rendu compte de ce qu'il a dit. Mais le shirk maîtrisait très bien ce qu'il a dit. Et il a dit, hey, Naram. Et oui, effectivement. Il expliquait aux élèves, le shirk fait partie de l'kaba'ir. Des péchés capitaux. Sauf qu'il dit, les péchés capitaux se divisent en deux catégories. La catégorie de péchés capitaux qui sont accompagnés d'un irtiqad, d'une conviction, et la catégorie de péchés capitaux qui ne sont pas accompagnés d'un irtiqad, d'une conviction. La catégorie, la première, de péchés capitaux qui sont accompagnés d'une conviction, d'un irtiqad, c'est shirk. Il y a un irtiqad, il y a une conviction. Par contre, d'una, les péchés capitaux n'ont pas de conviction, lorsque la personne, par exemple, commet la fornication, il n'y a pas de conviction. La irtiqad shay. Il a charib al-khamr, il n'y a pas d'i'tiqad. C'est shahwa. Donc lorsqu'on commet la personne, par exemple, parmi les péchés capitaux, les grands péchés, le mensonge. Lorsqu'il ment, il n'y a pas d'i'tiqad, il ment. Donc lorsqu'on commet des péchés capitaux, c'est on suit notre shahwa. Notre shahwa. Tandis que le shirk, il explique que le shirk, ça, c'est accompagné d'un i'tiqad. Donc c'est pour ça qu'il dit que le kaba'ir se divise en deux catégories. El kaba'ir, où il y a un i'tiqad, ça c'est shirk. Et le kaba'ir, d'où il n'y a pas d'i'tiqad. C'est pour ça qu'il considère que le shirk fait partie de el kaba'ir. Sauf à cette différence-là. Donc ça, c'est une explication. Après, est-ce que tous les savants sont unanimes? Wallahu a'lam. C'est une explication qu'a donnée le shir un savant, qui m'a l'air, ou qui nous a l'air, pertinente, très pertinente, pour comprendre là, le sens justement de la parole de l'auteur. Regardez lorsqu'il dit « Alladhi li ajli kana shirku akbar al-kaba'ir ». Tfaddal. اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة محمدا وسيدا وفضلا On va conclure inshallah, on conclut sur ça, et puisque là on arrive à la fin de ce passage, de ce sujet, et on reprendra si Allah nous le permet, avec la permission du Créateur, demain, Inch'Allah. Et vous verrez que l'auteur, là, il va mentionner une faïda ajiba. Il va mentionner un enseignement ajib. Il va revenir à ce verset qui a tant été cité. Le verset tant cité dans son œuvre. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Il va revenir à ce verset, il va citer une faïda ajiba. On va apprendre dans la prochaine assise, il va citer quatre catégories de gens concernant Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Il va expliquer quatre catégories concernant Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est-à-dire c'est toi que nous adorons et c'est toi dont nous implorons l'aide, traduction relative. Donc on a deux choses. Ibada, istihana, adoration dans le verset, et on a demande d'aide. Il dit qu'il y a quatre catégories, on va apprendre. La première catégorie, c'est ceux qui ont aussi bien les deux. Ils ont rassemblé entre Ibada ou Istihana. Deuxième catégorie, c'est ceux qui ont ni Ibada ni Istihana. Troisième catégorie qu'il va citer, qu'on expliquera, c'est ceux qui ont Ibada et pas d'Istihana. Quatrième catégorie, ceux qui ont l'Istihana mais pas l'Ibada. Ajib. Et les détails de cela, sachez qu'il y a un Imam Ibn Qayyim, il a rédigé un livre qui est à la base, ce livre-là, il est basé sur Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. Ce livre-là, il est basé justement sur ça. Et c'est le livre d'Ibn Qayyim Salam, Madarij As-Salikin Bayna Manazil Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. Le livre de Ibn Qayyim. Son livre, en réalité, il est basé sur ça. C'est sur Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in, comme il dit, Madarij As-Salikin Bayna Manazil Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. C'est un verset qui est immense. Et là, on va expliquer ces quatre catégories. Ceux qui ont rassemblé entre eux, Al-Ibada wa l'Istihana, ceux, ni l'Ibada ni l'Istihana, ceux qui ont l'Ibada, mais pas l'Istihana, et ceux qui ont l'Istihana, mais pas l'Ibada. On expliquera cela, Inch'Allah, dans la prochaine assise. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa ali wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum pour votre patience et pour votre écoute. Qu'Allah vous récompense et qu'Allah nous accorde la sincérité à travers nos paroles et nos actions. Qui nous pardonne nos déficiences, nos manquements, nos fautes. Sallallahu an yaghfir lana dhunubana ya muqallib al-qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa amal wa na'udhu bika min an-nari wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa amal kama nas'alullaha jalla wa ala al-huda wa tuqa wa al-afaf wa al-ghina wa nas'aluhu jalla wa ala ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. والله أعلم اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك الله فيكم